إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن شهر رمضان قرب رحيله وأزف تحويله، وإنه شاهد لكم أو عليكم، شاهد لكم أو عليكم أيها الإخوة بما أودعتموه من الأعمال، فمن أودعه عملا صالحا فليحمد الله. نعم، من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. كما تعلمون أيها الإخوة، شهر رمضان est en train de nous quitter. Nous nous dirigeons vers la porte du mois de Shawwal. Il se peut que l'Eid, Inch'Allah, soit demain ou dimanche. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est que celui qui part d'entre nous ne revient pas. Mais le mois du Ramadan revient l'année prochaine. Est-ce que nous serons vivants pour l'accomplir à nouveau ou pas? Allahu A'lam. Tandis que celui qui partira, Inch'Allah, qui trouvera le bien qu'il aura accompli durant ce mois, que ce soit en prière ou en siyam ou en jeûne. فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ وَلْيُبْشِرْ بِحُسْنِ الثَّوَابِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا وَمَنْ أَوْدَعَ عَمَلًا سَيِّئًا فَلْيَتُوبْ إِلَى رَبِّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا. Tandis que celui qui aura œuvré pendant ce mois-là autre que le bien, qu'il se repentit. Les portes du repentir sont encore ouvertes. Et tant que tu es vivant, tu peux te repentir. ولكن إذا مت في هذه الحالة إذا كنت غير محسن فتحت الشرك إن شاء الله غفر الله لك وإن شاء عذبك. Celui qui meurt dans des états de soumission, alhamdulillah, haniyan lahu. Celui qui meurt dans des états d'insoumission, tant pour lui et son Seigneur. ومن أودعه عملا سيئا فليتوب إلى ربه توبة نصوحة فإن الله يتوب على من تاب. نعم، الله غفور، الله تواب، والله يتوب على من تاب. Celui qui se repentit, Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte. Et on ne va pas laisser Shaitan rentrer et nous faire croire que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas. Là, Allah غفور تواب. Avant même d'avoir créé la création, Allah subhanahu wa ta'ala min asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula ismuhu al-ghafur ismuhu al-tawwab. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne s'appelait pas al-ghafur, ne s'appelait pas al-tawwab, oui. Mais maintenant Allah subhanahu wa ta'ala s'appelle al-ghafur, il s'appelle al-tawwab, c'est pour que nous faisons des péchés et que nous nous retournons auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. فقد عاش المسلمون في هذا الشهر المبارك صائمين نهاره قائمين ليله مجتهدين في عبادته سالكين مسالك الطاعة والقربة منه متنافسين فيها مبتعدين عن المعصية راجين غفران الذنب وتكفير السيئات وزيادة الحسنات ورفعة الدرجات والعتق من النار. Durant ce mois, les croyants se sont rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala en jeûnant la journée, en priant la nuit, en faisant des efforts dans les adorations diverses, telles que la lecture du Coran, telles que le dhikr, telles que l'invocation, telles que le sadaqat, salikina masalika ta'a, en prenant le chemin de l'obéissance et du rapprochement de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, mutanafisina fiha, en compétition les uns envers les autres, dans le bien. Mubtahidin anil ma'siyah, en s'éloignant de la désobéissance. Rajina ghufran adh-dhanbi, en espérant que Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonnera leurs fautes et leurs péchés. Wa takfir as-sayyi'at, c'est la même chose aussi. Wa ziyadat al-hasanat, et en augmentant donc dans les bonnes œuvres. Wa rif'at ad-darajat, et en augmentant en degrés. Wa al-'itq min an-nar, et qu'on soit affranchi des gens de l'enfer, qu'on ne fasse pas partie des gens de l'enfer. Ayyuha al-ikhwat al-kiram, هذا حال الموفق الصائم الذي صار في صيامه على هذا المنهج القويم والطريق المستقيم. قال تعالى, parce qu'il faut savoir que le but du jeûne, il faut savoir que le but du jeûne, c'est pas simplement de jeûner, يعني نمسك عن الأكل والشرب والجماع والشهوات. لا, le but du jeûne, ce n'est pas simplement de s'abstenir à la nourriture, à la boisson, ou bien au toucher des femmes ou autre. Mais le but du jeûne, comme Allah subhanahu wa ta'ala mentionné dans le Coran, il dit subhanahu wa ta'ala, ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset d'où le sens rapproché, et ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous soyez pieux. Voilà le but du jeûne. Mais l'imsak, c'est la même chose que le kuffar. Le kuffar, quand il y a un kuffar, même les musulmans, ils sont moqtar minna. Ils disent qu'on a dit le régime. Un amrid, tbib galisom. On voit, il y a des mécréants, ils ne jeûnent pas avec la même intention que la nôtre. Le docteur, il lui a prescrit, il a dit, toi t'es malade, il faut que tu jeûnes tant de jours. La faïda de siyam. Voilà, c'est pour la santé, c'est pour le régime, c'est parce qu'il est malade. Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala m'a dit, la'allakum tattaqoun, peut-être vous serez pieux. C'est pour la piété, c'est pour la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu 'amilin yat'abu fi 'amalihi wa yajtahidu fihi yuhibbu an takuna thamaratuhu jani'atan wa natijatuhu hasanatan fayafrahu biha. Et chaque personne qui fait des efforts dans l'adoration ou dans un travail quelconque, il aime en être récompensé. Comme nous avons fait ce mois-là, à la fin du mois, on veut être récompensé. C'est normal. Tout boulot, comme on dit, mérite salaire. فَمَا بَلُكَ عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Qu'est-ce qu'on doit dire de notre Seigneur? Il existe un hadith qui est da'if et mawdou', que les gens ramènent souvent en disant لو يعلم وهو يعني الحديث المروي هو أنه لو يعلم لو تعلم أمتي ما في الصيام وخاصة في شهر رمضان لتمنت أن تكون أو أن يكون الشهر كله أن يكون الدهر كله صيام. فيما معنى الحديث وهو موضوع في الحقيقة هذا الحديث. Ce hadith-là, c'est un hadith inventé qui est rapporté dans la bouche de beaucoup de gens qui disent celui qui sait de ma communauté la bénédiction qu'il y a dans ce mois-là, il aurait voulu que le mois complet soit toute l'année. Que ce mois-là devienne toute l'année. C'est un hadith qui n'existe pas. Allah subhanahu wa ta'ala, الذي خلقنا, يعلم كل شيء. Il sait ce qu'on a besoin. Il nous a donné un mois, il sait que tu peux jeûner qu'un mois. Des fois, il y a des gens qui disent, oui, si ça pouvait être encore deux mois ou trois mois. Tu ne peux pas jeûner deux mois ou trois mois. Allah t'a donné un mois, Et au bout d'un mois, on est fatigué. Que ce soit en hiver ou en été. On est fatigué. وَيَتَّبِعُوا لِلْمَزِيدِ مِنْ أَعْمَالِ الْخَيْرِ وَالْبِرِّ وَنَحْنُ يَا أَيُّهَا الْإِخْوَةِ نُوَدِّعُ الشَّهْرَ الْعَظِيمِ وَالْوَافِدَ الْكَرِيمِ فَيَقِفُ الْمُسْلِمُ مَعَ نَفْسِهِ وَقَفَاتِ مُحَاسَبَةٍ وَتَأَمُّنِهِ. Et chaque personne présente ici hommes, femmes, ou absents parmi les musulmans dans d'autres mosquées ou dans d'autres endroits, de voir se mettre ou se faire une remise en question, réfléchir, méditer. لعل الله سبحانه وتعالى قد كتبه من الذين غفرت ذنوبهم. En réfléchissant, disant, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait compter ou m'a compté parmi ceux que leurs péchés ont été pardonnés ou là? هل ربي سبحانه وتعالى غفر لي ذنوبي ولا لا؟ أو كفرت سيئاتهم et leurs péchés ont été effacés. وأعتقت رقابهم من النار. Est-ce qu'il a été franchi de l'enfer? وتقبل صيامهم. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a accepté mon siyam? Est-ce que Allah il a accepté mon jeûne ou pas? وقيامهم. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a accepté les longues prières de nuit que nous faisions? ونحن نختم هذا الشهر والأسف. Et nous donc on se dirige pour clôturer ce mois béni mais avec le regret. على تفريطنا على تقصيرنا. Est-ce qu'on a réellement donner à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'on devait donner? Est-ce qu'on a fait l'effort sur soi-même? Ou on s'est dit qu'il va critiquer comme on a l'habitude de faire? Pour critiquer, on est fort. Pour critiquer, on est les premiers. Mais ce n'est qu'un mot de nas. Narana l'aulim. Mais, hein? Chouf nipsek. Est-ce que tu t'es critiqué toi-même? Ou la rêve l'aulim l'aulim l'aulim l'aulim l'aulim l'aulim l'aulim l'aulim l'aulim l'aulim. Et alors les gens se divisent en deux. صدق صائم نهاره وقائم ليله يدعو ربه ويواسي إخوانه ويتقلب من طاعة إلى طاعة فهليا له. Il y en a, alhamdulillah, ils ont passé leur mois de jeûne correctement, en jeûnant correctement, en priant correctement, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon et le rapprochement, en faisant des adorations diverses, en donnant des conseils à leurs frères. فَهَذَا هَلِيًا لَهُ عَلَى مَا قَدَّمَا اِتَّحَلَّتْ أَعْمَالُهُمْ أَوْ أَعْمَالُهُ بِالْإِخْلَاسِ وَالصِّدْقِ وَالْمُتَابَعَةِ. ولكن بشرط, si l'action qu'il a entreprise, il veut qu'elle soit exaucée, il faut qu'elle soit faite بالإخلاص, avec sincérité, et qu'il soit véridique بالصدق والمتابعة, أي متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يجيش يدير حاجة من الرسول يقول مرة ندير حاجة بس نتقرب إلى الله. لا, من قبول الشرط الأعمال الإخلاص والمتابعة. Pour que Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos actions, il faut qu'elles soient faites sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et il faut qu'il y ait le suivi du prophète عليه الصلاة والسلام. Est-ce que le rasul صلى الله عليه وسلم علمنا إياه ولا لا؟ فعله, قاله, منعه, أجزاه, ماذا؟ Est-ce que le prophète عليه الصلاة والسلام l'a fait؟ Est-ce qu'il l'a dit? Est-ce qu'il l'a permis? Il l'a autorisé? Est-ce qu'il l'a interdit? Amanji en dit Haja avec mon rassi, là, l'aslu fil ibad al-mana. Il l'a bin nas al-shar'i. À la base, on ne doit pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme ça aveuglément. On doit l'adorer avec un verset du Coran, avec un hadith du prophète alayhi salatu wa salam, avec ulama al-salaf, avec ulama min ahli al-sunnah wal-jama'a, bifahmi salaf al-umma. Oui. Mais si tu viens, tu dis, non, moi je crois comprendre que ce verset, il veut dire ça ou ça. Ou bien ce hadith, je crois qu'il veut dire ça. J'en ai déduit parce que j'ai réfléchi. Non, je suis avec din. Je suis avec le hadith, je suis avec le din. Non. Il y a des ulama. Il y a des sortes de haja alina. Ça se trouve, les ulama. Si par contre on a des difficultés en religion, qu'est-ce qu'on fait? On appelle les savants. Ah non, je prends de ma tête et je dis, moi je déduis que par rapport à ce verset-là, par rapport à ce hadith-là, il en découle telle loi. هذا خطا. واخرون فرطوا وضيعوا ذهب وقتهم سدى. Il y en a d'autres, ils ont perdu leur temps pendant le mois du Ramadan. Bon, s'ils priaient, alhamdulillah, haniyan lahum, s'ils ne priaient pas, ça c'est encore un autre débat qu'on n'ouvrira pas aujourd'hui. Mais il y a des gens, ils passent la journée entière à dormir. Et puis quand c'est l'heure du Maghrib, 5 minutes avant le Maghrib, ils se lèvent. Il casse le jeûne, et après avoir cassé le jeûne, il mange bien, et où il va au café. Ou chez Rahid Ibn Kahwa, il va jouer au loto. Le loto, le domine, ou le karta, et il va jouer au loto. نهارك راقد وفي ليلة السهر يعني السهرات لا فائدة لها. هذا هو التقرب إلى الله. سبحان الله. هذا بيع يعني ما نقولوش بيع صيامه ولكن بيع شهره. هذا كما يقول لك هذه فرصة ربي أعطاها لك باش تقرب إليه باش ربي يغفر لك الذنوب. وآخرون فرطوا وضيعوا ذهب وقتهم سدى في النهار يتقطعوا في أعمال الدنيا. ولكن أعمال الدنيا ماشي خدمة كما الناس خدمة شريفة ويجيب القوت للدار والأولاد وكذا، لا، أعمال الدنيا تاع أشياء يعني له وزهو وله وهذه الأمور سي با يبارسون طون لا جورني افير ان ترافاي pour amener par exemple à manger à la maison sa femme et ses enfants un travail sain, alhamdoulilah, chose qui est demandée. Non, il passe son temps comme ça. C'est quelqu'un qui ne travaille pas, il est au chômage, il perd son temps on ne sait où, entre les conversations stériles et les conversations futiles, et il espère se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala comme ça. Non, il ne se rapprochera jamais d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est concernant la journée. Un appel l'île, il va où? Il va passer les nuits du Ramadan. Il va passer les nuits du Ramadan où? Dans les soirées dansantes. La musique taqbat, حتى la qubayl al-fajr. وصلاة الفجر ما يجيش يصلي في المسجد، ولو كان يصلي في بيته ما عليش، حتى صلاة الفجر ما يصليش في بيته في الوقت، يصلي على العشرة على حداش كينور. C'est ça le mois de Ramadan, c'est fait pour aller danser et chanter dans des boîtes de nuit ou je ne sais où. C'est quoi ça? On n'accepte pas ça. Est-ce qu'on a mis le Coran? Combien de nous, Allah Ta'ala A'lam, je ne juge personne, combien de nous a lu au moins une fois le Coran من سورة الفاتحة إلى سورة الناس؟ كل يحاسب نفسه. شكان يستفيد كونت الإمام. أنت تشجعني وأنا نشجعك. شو ممكن غاجي تشتون كغاج؟ أما نضحك لك وتضحك لي هذا شو بزوا ما دستي غير وسي سي سي. وراك ما صدى ما صار صدى بيا في كل سات اللي فوق خزي. لا. شو تشوف بعد ما خرج طريق قل لي راك خرج من طريق. نشوف تخرج من طريق نقول لك ولكن بشرط. ما جينيش بالعصا. À condition que le conseil doit se donner correctement. C'est pas que je viens avec une boîte de baseball et je te dis écoute, c'est comme ça, t'acceptes pas? Non, il faut savoir parler aux gens. Il faut savoir donner le conseil avec amour, avec fraternité. Il faut savoir écouter ce que l'autre est là à te dire. Et on s'encourage mutuellement. Parce que notre retour est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La dunya, satatrukuha wa natrukuha jami'an. La dunya, on va la laisser. Il n'y a pas un de nous ici présent qui restera sur terre. Un jour ou l'autre, on va quitter la terre. Naam. Idan qulna wa naharahum fi umur ad-dunyawiyya tafiya. Wa lam yastafiduna min shahrihim wa nasu rabbahum wa hum yataqallabuna fi ni'amihi wa lam yaqumu bi haqqihi. ويمتثل أمره ويجتنب نهيه وهم عبيد من عباده. Alors ce sont des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. كلنا, on a tous nos péchés, on a tous nos faiblesses. Et on essaie de s'entraider mutuellement et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos fautes. تقربوا إلى الأمام بارك الله فيكم. تقربوا جزاكم الله بخير. فكان السلف الصالح رحمهم الله يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون من رده. وهؤلاء الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. Les pieux prédécesseurs de cette communauté, ceux qui les ont suivis en bienfaisance, quand ils faisaient une action, ils la faisaient correctement, totalement, ils la faisaient pas à moitié. Et ils réfléchissaient et pensaient plus à ce que l'action soit acceptée que l'action en elle-même. Qu'est-ce que c'est ce mot? Je pense que l'insan qui aime faire quelque chose, il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose. Et les salafs de Salah, rahimahumullah, quand ils ont fait quelque chose, avant qu'ils aient fait quelque chose, est-ce que le Seigneur a fait quelque chose? C'était ça leur préoccupation. D'accord, moi je vais faire cette action-là. Mais il faut que je mette en cause toutes les choses pour que Allah il accepte mon action. Allah subhanahu wa ta'ala m'a dit qu'il y a tout le monde qui a été fait pour moi. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset de surat 23 Verset 60, il dit dans le sens rapproché, il donne, hey, hawla as-sahaba radhiyallahu anhum, il donne ce qu'il donne, yani yu'tu ma yu'tu, et leurs cœurs sont pleins de crainte. Ou leur ma dhalika yakhafoun. Sahaba al-Rasul, akhtarahum Allah li suhbat an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah les a choisis. Il a choisi les compagnons du prophète alayhi salatu wasalam pour qu'ils soient le prophète alayhi salatu wasalam en bonne compagnie et vice versa. Et ils ont été choisis comme ahl al-jannah. Min ahl al-jannah. Et yakhafoun, ils ont peur. Ils ont peur que leur action ne soit pas acceptée. Mais chez les yasra, mais chez les al-barra ma la bishouja et dire là, هذا كان في الجامع يصلي وخايف يقول لك ربما بالك ربي ما يتقبلش مني صلاتي يصوم وخايف يقول لك ربما ربي ما يتقبلش مني الصيام يتصدق يقول ربما سبحانه وتعالى ما يتقبلش مني الصدقه tu vois ce sont eux les pieux ils font une action ils ont peur que cette action ne soit pas acceptée de la part d'Allah سبحانه وتعالى ان الله يحب من العبد اذا عمل عملا ان يتقنه Allah سبحانه وتعالى il aime de son serviteur que quand il fait une action il la fasse correctement. عن علي رضي الله عنه قال كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل ألم تسمعوا الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين علي رضي الله عنه le quatrième calife qu'est-ce qu'il a dit il a dit soyez plus vigilants dans l'acceptation de vos actes que de l'acte lui-même n'avez-vous pas entendu Allah subhanahu wa ta'ala dire Allah n'accepte que de la part des pieux. Sourate 5, verset 27. Non. Inna Allah la yataqabbalu min ghayri al-muttaqin. فلهذا الانسان لابد له ان يفكر في ماذا يفعل وفي ماذا يعمل وفي ماذا يقول. C'est pour ça, mes frères et mes sœurs, il faut réfléchir à deux fois. À deux fois avant de faire une chose qui ne sera pas acceptée. Avant de faire une chose sans sincérité, avant de faire une chose sans qu'il y ait le suivi du prophète عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ثم ما بعد. فإنه وإن قضى شهر رمضان فإن عمل المؤمن لا ينقضي قبل الموت. Même si le mois du Ramadan se termine, le croyant lui met toujours en application les actes d'adoration. Pourquoi? Parce que le croyant devra parachever ses actes jusqu'au jour de la mort. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينِ et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la mort t'atteigne. وَلَا نَقُلْ كَمَا قَالَ بَعْدَ مَشَيْخ تُرُقِيَا قالوا بأن هذه الآية معناتها أعبد ربك حتى يجيك اليقين وكيجيك اليقين خلاص ما عندك حتى عمل حتى شفناهم ما بقوش يصلوا ما بقوش يصوموا لنا يقول لك خلاص أنا وصلت إلى درجة اليقين هذا خطأ هذا خطأ. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset-là, il dit donc au prophète, alayhi salatu wa salam, mais ce message s'adresse aussi bien à nous que le prophète, alayhi salatu wa salam, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la mort s'ensuive. Si ce message est adressé au prophète, alayhi salatu wa salam, qui était le plus pieux des pieux, si ce n'est le prophète? Le Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, Rabbi wa shiqullu, wa'adu dhabdaka hatta yatiyaka al-yaqin, ayesha Rasoul, ma kanch'andu al-yaqin? Quel est le yaqin? Il avait la certitude. Donc, ça ne veut pas dire ici la certitude, mais ça veut dire jusqu'à que la mort s'en suive, jusqu'à que la mort elle arrive. Qui dit le mot, khlaf l'amal ta'a qui ne croit pas. Mais avant là, avant la mort, tu dois adorer ton Seigneur. Wa'adat rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Wa qala ta'ala, Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui avez cru dans le sens rapproché du verset, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Et non, c'est ce qu'il y a. Mais l'insan, tout le hayat de 60, 70, 80 ans, ويعبد يعبد يعبد وفي الآخر يقول لك ها قام لك يشرب بي وكينا منها سمعناها سمعناها واحد طول حياته يعبد في ربي وفي الأخير في الختام قال لك لا أنا ما نامنش بربي أعوذ بالله اللهم احفظنا من الضلال والزيغ سبحان الله كان لم يتزغ بالإجامات pendant 60, 70 ans, 80 ans, il a adoré son Seigneur. Et à la fin de ses jours, il a dit, non, moi je ne crois pas en Allah. Qu'Allah nous préserve des garments. C'est ça. Il n'a pas l'amal, mais le khawatim. Wa qala al-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, idha mat al-abd qata'a 'amaluhu, al-hadith rawahu Muslim. Al-shahid al-hadith, idha mat al-abd qata'a 'amaluhu. Al-hadith. فلئن انقضت صيام شهر رمضان فإن المؤمن لن ينقطع من عبادة الصيام. Si par exemple le mois du Ramadan s'est pas achevé, alhamdulillah, le croyant il a toujours des jours de jeûne à jeûner, tels que le lundi et le jeudi, tels que les 6 jours du mois de Shawwal Karim, tels que le jour de Arafat, tels que Ashura ou Tasu'a, tels que le 13, le 14, le 15 de chaque mois lunaire, Ayyam al-Bayt, alhamdulillah. C'est pas parce que le mois du Ramadan il se termine que c'est fini, on jeûne plus jusqu'à l'autre mois du Ramadan. Il y a des jours de jeûne surérogatoires qui ont été prouvés dans la sunna authentique du prophète alayhi salatu wassalam. فَالصِّيَامُ لَا يَزَالُ مَشْرُوعًا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ فِي الْعَامِ كُلِّهِ. ففي صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم. Donc ce hadith-là, qui a été rapporté par Abu Ayyub al-Ansari, il dit que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit que celui qui jeûne le mois du Ramadan et qui le fait suivre de 6 jours du mois de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné l'année entière. Et une petite, pour porter attention ici, les 6 jours de Shawwal, on n'est pas obligé de les faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours consécutifs. Tu peux faire un jour, 2 jours après tu te reposes, tu reprends encore 2 jours, 1 jour après tu te reposes. Il faut compter 6 jours durant le mois de Shawwal. Tu fais 2 jours, tu te reposes 2 jours, tu reprends 2 jours, tu te reposes. C'est à toi de voir. Mais tu n'es pas obligé de les faire consécutifs 6 jours d'affilée. Tu as le choix. L'essentiel, c'est de jeûner 6 jours pour celui qui peut, bien sûr, jeûner. Ce n'est pas une obligation. Mais celui qui en veut la récompense, il sait ce qu'il doit faire. Ça, c'était pour parler du siyam. Wala in qada qiyam shahr Ramadan. فإن القيام لا يزال مشروعا ولله الحمد. Par rapport aux prières de nuit et des veillées que nous avons fait, si par exemple le mois du Ramadan part, donc il n'y a plus de taraweeh, il n'y a plus de veillées nocturnes, alhamdulillah, قيام الليل كل واحد ينجم يصلي في بيته. أما قيام الليل أما التهجد القيام هو الذي صلاة بدون نوم أما التهجد فيه شيء من النوم. Celui qui fait قيام الليل, c'est celui qui a voulu passer la veillée sans dormir. Et tahajoud, c'est celui qui a dormi un petit peu et s'est réveillé durant le dernier tiers de la nuit. Et il a prié son Seigneur. Et ces prières-là, on peut les faire toute l'année. Pas simplement pendant le mois du Ramadan. وَلَا إِنِ نُقَدَ قِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّ الْقِيَامَ لَا يَزَالُ مَشْرُوعًا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِ السَّنَةِ ثَابِتَةً مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلِهِ. ففي صحيح البخاري عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم أو لا يصلي حتى ترى ما قدماه فيقال له. سبحان الله. Des fois on lit des hadiths, on ne les comprend pas. C'est une fois qu'on les relit deux fois, trois fois qu'on commence à comprendre et à méditer. Ce hadith-là, il est rapporté par المغيرة بن شعبة. Il a dit que on disait au prophète عليه الصلاة والسلام quand il passait des nuits à prier et que ses pieds se coupaient et du sang coulait, pourquoi? Parce qu'il passait des nuits à prier, on lui disait, pourquoi tu fais ça, ya Rasulallah? Ghafar Allah laka ma taqaddama min dhanbik, wa nahnu na'lam bi anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam la dhunuba lahu, la qabla al-bi'tha wa la ba'da. On sait que le prophète alayhi salatu wa sallam ne faisait pas de péché, ni avant la prophétie, ni après la prophétie. Et malgré ça, il priait. Et qu'est-ce qu'il disait le prophète alayhi salatu wa sallam? أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا. Ne dois-je pas être un serviteur qui sait remercier son Seigneur? C'est le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس le prophète il a dit donc dans ce hadith là oh les gens أبشوا السلام passez le salam وأطعموا الطعام et donnez de la nourriture faites manger les nécessiteux وصلوا الأرحام et ayez de bonnes relations vis-à-vis de la famille les liens de famille وصلوا بالليل والناس نيام et priez la nuit pendant que les gens dorment تدخلوا الجنة بسلام vous rentrerez au paradis avec tranquillité ou sérénité ou avec paix رواه الترمذي وهو حسن صحيح وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل les meilleures prières qui sont faites après les prières obligatoires ce sont les prières qui sont faites la nuit نعم يا من أعتقه مولاه من النار إياك أن تعود أن سرت حرا إلى رق الأوزار ici ce sont des vers poétiques qu'on a trouvés qu'alhamdoulilah il y a des choses très belles à retenir il dit ici ô toi qui a été affranchi par ton Seigneur de l'enfer إياك أن تعود fais attention de ne pas retourner dans l'esclavage alors que tu étais esclave fais attention de ne pas retourner dans l'esclavage أيبعدك مولاك من النار alors que ton Seigneur te fait éloigner de l'enfer وأنت تتقرب منها alors que toi tu veux t'y rapprocher de nouveau وينقذك منها وأنت توقع نفسك فيها ولا تحيد عنها Allah سبحانه وتعالى t'en fait sortir et toi tu veux y retourner إن كانت الرحمة للمحسنين si la miséricorde est réservée pour les gens pieux ou les gens de المحسنين c'est ça les bienfaisants barakallahu fik falmusi la yayasu minha alors sache que celui qui fait des péchés aussi veut avoir de cette miséricorde wa in takun subhanallah wa in takun al maghfiratu lil muttaqin et si le pardon est réservé pour les gens pieux fa dhalimu li nafsihi ghayru mahjubun anha Et celui qui s'est fait de l'injustice à lui-même, lui aussi espère à cette miséricorde et ce pardon-là. فَلَيْسَ السَّعِيدُ le bienheureux. فَلَيْسَ السَّعِيدُ الَّذِي دُنْيَاهُ تُسْعِيدُ c'est pas celui qui la dunya lui a ouvert ses portes. إِنَّمَا السَّعِيدُ الَّذِي يَنْجُ مِنَ النَّارِ mais le bienheureux, c'est celui qui sera préservé et sauvé de l'enfer. Allahumma وفقنا للتوبة النصوح التي تمحو بها ما سلف من ذنوبنا ويسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا ولجميع المسلمين في الآخرة والأولى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ثبتنا على الإيمان الصحيح والعمل الصالح وأحينا حياة طيبة والحقنا بالصالحين واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا الله إنك تعلم ما يجري في الساحة وفي العالم اللهم انصر المسلمين والمسلمات في كل مكان وفي كل زمان اللهم أرنا عجائبك في أعداء الدين اللهم أرنا عجائبك في أقرب وقت اللهم أرنا عجائبك في أقرب وقت أرحم الراحمين إنهم إخواننا وأخواتنا اللهم لما فيهم اللهم ارحمهم لهم مراد اللهم اشفيهم لهم حزنين اللهم صبرهم اللهم انت هو الرحمن الرحيم اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات منهم الاحياء والاموات وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيك